Je n'ai pas d'argent. Nous n'avons pas de pen. Ils n'ont pas de fusil. Vous n'avez pas de cartouche. Il n'a pas de tabac. Je n'ai pas d'armes. Vous n'avez pas de chance. Avez-vous froid? Avez-vous faim? Avez-vous soif? Avez-vous peur? Qu'avez-vous? Qu'est-ce que vous avez? Avez-vous la fièvre? Avez-vous du tabac? Avez-vous un peu d'eau? J'ai été en Italie. Il a été à la guerre. Où avez-vous été? Nous avons été au poste de secours. J'ai été à Carnoustie. Il a été à Berlin. Je serai à Paris demain. Vous serez bientôt ici. Ils seront aussi ce soir. Où serons-nous demain? France, le 9 juillet 1916. Chère Agnès, tu ne saurais croire tout le plaisir que m'a causé ta lettre du 9 juin reçue ce matin. Est-ce bien vrai que tu n'as pu obtenir ton exemption? Il ne faut pas se décourager dans ce monde, surtout dans ce siècle que nous passons. April 2nd, 1915. Franc-maçon. Dearest mother, many thanks for use of the 28th and 29th. Nous sommes rendus ici depuis le 20 juin et l'ouverture de notre hôpital a été le 3 juin. The Dean wishes me to thank you for the news of Wellman. La nouvelle du mariage de Lali m'a grandement surpris. La pauvre vie. And also to ask you if you'd please find out about his private jet. Comme sa mère, elle sera une femme exemplaire. Elle est ainsi faite. Was shot through both legs when joined. Je me ferai un devoir de lui écrire mes félicitations. And had to lie in great pain in the trench till death. Je ferai de grands reproches à ton nom que je ne devais pas t'avoir donné de si mauvais souvenirs. Remember me to Lord Graham, tell him that the Canadian boys are really bearing splendidly since they arrived in France. Sur une lettre reçue ce matin, que ma tante ne fait pas grand prix. En somme, tout va bien. Les raies des Gotas ne nous effraient pas. Amitié le temps long, Philippe. It is too early, of course, to say how they'll do in a fight. France, le 17 février 1918. Ma chère nièce, tu me permets sans aucun doute de venir te dire un bonjour. J'ai eu la chance, tout dernièrement, d'obtenir le congé de 15 jours que j'ai passé à Mary. On a raison d'appeler cette ville la ville des Dieux. J'ai assisté au rite des Gotas. J'ai aimé contempler ce combat. Les pertes de vie sont élevées et les dégâts pas très élevés. Nous attendons un grand attaque d'un jour à l'autre. France, le 22 avril 2017. Ma chère Véronique, depuis au-delà d'une année que je suis en France, j'ai appelé mon adresse par son nom. Je suis en train de faire un peu de temps.